couper parce que sinon c'est tourné sur le micro là. Juste voir ce que j'avais enregistré. Non, c'est possible. T'as que... Oui. Ah, c'est bien ce que je disais, j'ai pas bien. Juste. Oui. Un niveau de service. C'est intenable. Tu veux. S'il te plaît, je peux ouvrir un truc? Ah non. C'est sûr qu'on peut, Justin. Non, je peux pas. Justin, il faut le retourner. Vas-y, je sais comment, c'est la première fois que j'en sors. Éteins-nous cette radio, Justin. Non, éteins pas, laisse-la ouverte, mais je peux regarder juste. Bah...